On va commencer avec les petites annonces, si j'ose dire. Les Top Musette, puisqu'on parle de Charles Cassonnet et Jacques Thauvin. Top Musette sera le 19 janvier, c'est-à-dire dimanche prochain, à Bonny-sur-Bionne, à la salle du Prat, du Patio, organisée par la FNACA, c'est la Galette des Rois. Le 21 janvier, ils sont à Orléans-la-Sousse, à la salle Pellicer. Et là c'est privé. Hein. Et le 23 janvier, à Beaugency, à la résidence Les Belettes, avec l'association Animation Résidence des Belettes. Voilà, après-midi d'ensemble, bien évidemment. D'autre part, je recevrai le 20 février prochain, c'est un dimanche, exceptionnellement, l'orchestre des Oreilles qui saignent, qui nous viennent à côté de Châteaudun. Ensuite, Vinci Loisirs organise son, j'ouvre la page, organise son après-midi dansant avec l'orchestre François Mazera, le 2 février prochain, à partir de 15h, à la salle polyvalente de Vinci. Toute réservation à Vinci Loisirs officiel, @gmail.com ou au 06 15 29 55 59 auprès de Monique. Et on écoute à nouveau notre ami Charles Cassonnet. Je me souviens qu'à la ferme du Clos, il y avait le berger qui gardait son troupeau. Sa cabane sur roue était près du champ, où les moutons broutaient paisiblement. Le berger plusieurs fois dans la journée poussait sa cabane pour la déplacer, pour un nouveau parc qui changeait d'endroit. La limite était l'oreille du bois. Venez tous voir, c'est pas banal. Au milieu de la pelouse chez Chantal, il y a une cabane de berger, comme celle d'antan dans les champs près d'Aigle. Dans ce village de la Beauce, il y a une question que tout le monde se pose. Qui est le berger qui lui a offert? On n'a toujours pas de réponse, c'est un mystère. Le berger s'arrête, c'est enfin le repos. Près de lui, son chien veille sur le troupeau. Dans la ferme, les anciens racontaient qu'il n'était pas souvent seul le berger, que dans le silence de la campagne endormie, une ombre se faufilait près de lui. Et tous les deux s'endormaient dans la paille, protégés par des milliers d'étoiles. Venez tous voir, c'est pas banal. Au milieu de la pelouse chez Chantal, il y a une cabane de berger, comme celle d'antan dans les champs près d'Aigle. Dans ce village de la Beauce, il y a une question que tout le monde se pose. Qui est le berger qui lui a offert? On n'a toujours pas de réponse, c'est un mystère. Changement de région, on part en Normandie avec Emilio Courfa et ce sera ma presqu'île en Cotentin. l'océan, les voiles blanches comme un balai de goélands, offrant au ciel la folle danse, berce mon cœur nonchalamment. Moi le terrien en val de serre, mon bel Éden au paradis, je dois partir. Adieu ma terre, petit Tyrol en Normandie. On a tous un jardin secret, une lettre au fond d'un coffret, des photos qui parlent à nos cœurs, soit de son île, d'un ami que l'on ne voit plus, d'une adresse à tout jamais perdue, de tous ceux que l'on aime fort, notre île nous rend plus fort. Sur l'horizon, presque il est un adieu, comme un tableau, et le soleil qui saigne et penche va se noyer au bout des flots. Adieu, Barfleur. S'effrite, je m'en vais, mais je n'oublie rien. Avec Prévert, à l'heure écrite, je dormirai en Cotentin. Et ce sera maintenant les flonflons d'Auvergne par Charles Cassonnet, de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur. Merci et chauffez-vous bien tous et toutes, parce qu'il ne fait pas chaud dehors. Hein. Enfin, on est quand même en hiver, il ne faut pas se plaindre, ça pourrait être pire. On continue donc avec Charles Cassonnet. Pour dévoiler tout comme naguère, les flonflons. refroidir. Il y a dans bien les gens d'ici tant de bonté à l'état pur, tant de chaleur de gens aussi, complices de liens pour toute la vie. Les flonflons du bal Musette nous offrent du bonheur cette nuit, et on est tous à la fête pour mettre de la joie dans nos vies. Un tendre baiser donné en plein cœur de nos veines jolies, et j'ai su que je resterais avec toi ici dans ton beau pays. En ce qui concerne Fleurs de mon pays, que j'ai passé tout à l'heure, c'est une composition pour les paroles de Jean-Désiré Bailly, musique de Charles Cassonnet. Et là, c'est le Flonflon d'Auvergne, musique de Charles Cassonnet et Roger Friot, qui malheureusement nous a quittés, et paroles de Jacqueline Sanchez. Si je chante encore les bruyères, et c'est Angélique Servant, composition de Sylvie Pulès et Pierre André. Ils se sont mis à deux. Voilà, les deux très connus. Je suis toujours de la terre. Si je sème avec mes chansons mille fleurs de poésie, c'est pour faire pousser dans tes nuits tous les fruits de la passion. Danse, danse, ma ritournelle, ta valse d'espoir comme avant. Chante, chante, ma ritournelle, pour un troubadour occitan. Danse, danse, ma ritournelle, ta valse d'espoir comme avant. Chante, chante, ma ritournelle, pour un troubadour occitan. Ma ritournelle, ta valse d'espoir comme avant. Chante, chante, ma ritournelle, pour un troubadour occitan. danse, danse, Marie Tournelle, ta valse d'espoir comme avant. Chante, chante, Marie Tournelle, pour un troubadour occitan. Oui, je chante encore les bruyères, et le printemps refleurit. Tous les oiseaux du paradis sont venus vers toi, bergère, pour te dire que la vie est belle. Un simple refrain suffit, juste un petit air de folie qui s'envole à tire-d'aile. Thank you. La Normandie, c'est pas la pluie, c'est des vaches dans un clos fleuri. C'est un soleil en bord de mer, bien rond comme un camembert. On voit des miss à être tard, qui font bronzer leurs œufs au plat. Et de Cherbourg jusqu'à Lisieux, des filles qui ont pas froid aux yeux. À Deauville, Trouville et Honfleur, y a plein de parasols en couleur. À Cabourg, le grand blond tabu, il y a l'air pur. C'est pas vrai tout ce que l'on a dit, y a plein de soleil en Normandie. C'est moins cher que la Côte d'Azur, pourvu que ça dure. La Normandie, c'est près de Paris, venez voir les premiers de Milly. Sous le soleil du Cotentin, les gens sont tous en maillot de bain. En Seine-Maritime et dans l'air, la crème solaire est de rigueur. Et pour la soif en plein mois d'août, c'est pas mauvais le cidre doux. C'est le paradis, quand le grand blanc est de la partie. Qu'est-ce qu'on est bien dans la prairie, entre Granville et Isigny. T'aimes regarder voler les mouettes, allongés sur la plage de Dieppe. Et boire un verre près de Lisieux, près des filles qui ont parfois aux yeux. La Normandie, c'est pas la pluie, c'est des vaches dans un clos fleuri. C'est un soleil en bord de mer, bien rond comme un camembert. On voit des miss à être tard, qui font bronzer leurs œufs au plat. Et de Cherbourg jusqu'à Lisieux, des filles qui ont pas froid aux yeux. À Deauville, Trouville et Honfleur, y a plein de parasols en couleur. À Cabourg, le grand blond tape dur, il y a de l'air pur. N'emportez pas de parapluie, y a plein de soleil en Normandie. C'est moins cher que la Côte d'Azur, pourvu que ça dure. Et sur le disque de Charles Cassonnet que j'ai passé tout à l'heure, le disque s'appelle Ambrose et il y a un air dessus que je n'avais jamais découvert, la première fois. Vous avez tous le reconnaître, bien sûr. C'est signé Jacqueline Sanchez, Charles Cassonnet et Thierry Monico. Et on l'écoute. La seule différence avec le négatif que j'ai, c'est que c'est chanté aussi, pareil. L'accordéoniste n'est pas Charles Cassonnet, mais Thierry Monico en ce qui concerne mon indicatif. Radio. Radio Arc-en-Ciel. Mmh. Et à l'antenne actuellement, Ciel d'Auvergne avec Claudie Musette. Ciel gris de l'Auvergne, de mon amour, on a sonné le glas. Noyé de pluie, la vie me semble terne. Je n'avais pas compris que je t'aimais déjà. Et toi si belle, jouant les infidèles, parti en soi loin du pays. Ciel triste et bas, ciel gris de mon Auvergne, ramène un jour mon cher et tendre amour. Mais le printemps arrive comme un vrai don du ciel, douce chaleur qu'avive un rayon de soleil. Sous le ciel bleu de l'Auvergne, j'ai murmuré en te prenant la main des mots d'amour qui effacent la peine. Sous le beau ciel d'Auvergne, le jour où tu revins, et tes nuages qui amènent l'orage s'en sont allés, emportant le passé. Ciel de velours, au ciel de mon Auvergne, toujours, toujours, abrite notre amour. Et on continue avec Toi, ma bonne pomme de Normandie, composée par Emilio Corfa et Mick Brehin, et interprétée par Emilio Corfa. Tu te fasses avoir dans ce monde où les cadeaux sont rares. Tous les samedis, tous les dimanches, on vous fait danser dans la Manche. Mais nous, on a la nostalgie de l'accordéon du pays. Toi dans la Manche, moi en Touraine, ça fait un bail qu'on fait de la scène, que l'on fait danser nos régions par amour de l'accordéon. C'est la vie, mais ça me fait du bien de t'avoir dans un coin de mon répertoire. Toi, ma bonne femme de Normandie, quand nous serons au paradis, te propose qu'on fasse un duo pour faire danser les anges là-haut. Toi, ma bonne pomme de Normandie, composée par Omidio Corfa, Mick Bréhain et Corinne Chrétien. C'est pour ça qu'on parle de la Touraine avec Mick Bréhain dans la chanson. On va continuer, bien sûr, en musique et en chanson de nos régions. Et je recevrai, je crois, au mois de mars, problème de santé, problème d'opération chirurgicale, en attendant. Ce sera Sylvie Futrac qui nous vient du Cher, pas loin, et qui nous interprète maintenant la bourrée de Vigneux. Vigneux étant son pays où elle habite. Voici donc Sylvie Futrac. Et Jacqueline Sanchez, encore elle. On la voit à beaucoup de place. On aime la danser, cette bourrée elle cartonne, et ta Et on termine avec Emilio Corfa, on termine pour lui, hein, en ce qui concerne ce CD. T'as le bonjour d'Emilio Corfa. C'est un petit gars de la Manche qui depuis des années agrémente vos dimanches en vous faisant danser. Madison cha cha cha, paso doble ou tango, partout il met de la joie et c'est pas du pipeau, travaille pas du chapeau. Je ne suis pas mégalo, pas même un peu bobo. Oh oh oh oh, je m'appelle Emilio. Je ne cherche pas le chaos. Je ne suis pas un héros. Je me prends pas pour Zorro. Oh oh oh oh, t'as le bonjour d'Emilio. De Cherbourg à Bréal, de Grandville à Saint-Lô, je suis le roi du bal et de la chanson rétro. Pouvoir vous déhancher sur des parquets cirés, c'est mon bonheur à moi qui ne vit que pour ça. Travaille pas du chapeau, je ne suis pas mégalo, pas même un peu bobo. Oh oh oh oh, je m'appelle Emilio. Je ne cherche pas le chaos. Je ne suis pas un héros. Je me prends pas pour Zorro. Oh oh oh oh, t'as le bonjour d'Emilio. J'ai vu des belles de jour et des belles de nuit. Je sais bien que l'amour se promène dans la vie. Avec mes musiciens, je compte plus les petits matins où il fallait rentrer quand le soleil se levait. Je travaille pas du chapeau, je ne suis pas mégalo, pas même un peu bobo. Je m'appelle Emilio, je ne cherche pas le chaos, je ne suis pas un héros, je ne me prends pas pour Zorro. Oh oh oh oh, t'as le bonjour d'Emilio. Puis le temps a passé, on a vieilli ensemble, et il faut bien l'avouer, aujourd'hui on se ressemble. C'est pour ça, mes amis, qu'avant de nous quitter, j'aimerais vous chanter quelques pages de ma vie. Je travaille pas du chapeau, je ne suis pas mégalo, pas même un peu bobo. Oh oh oh oh, je m'appelle Emilio. Je ne cherche pas le chaos, je ne suis pas un héros, je me prends pas pour Zorro. Oh oh oh oh, t'as le bonjour d'Emilio. Pas de fortune au loto, de jackpot casino, ni de vie de château. Oh oh oh, t'as le bonsoir d'Emilio. C'est mon dernier cadeau, pouvoir rêver tout haut, voler comme un oiseau. Oh, oh, oh. Bonsoir, c'est Emilio. Il travaille pas du chapeau. Il n'est pas mégalo, pas même un peu bobo. Oh oh oh oh, il s'appelle Emilio. Il cherche pas le chaos, il n'est pas un héros, il se prend pas pour Zorro. Oh oh oh oh, bon bonsoir, c'est Emilio. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Et sur la FM en couleur, on écoute Nicole Bergès et François Pippet. Deux morceaux, La fête du pain et Quand les cabrettes sonnent. Thank you. Arc-en-ciel, 13h32 minutes. Sylvie Futrac, maintenant, nous interprète les. Ah, bah si, elle l'a joué. Non, elle l'a pas joué. Qu'est-ce qu'elle a joué? Les amis de Sylvie, je sais pas si je l'ai passé. Non, j'ai l'impression que non. Composé par Sylvie Futrec et Jacqueline Sanchez. Passé de 36 minutes, on écoute notre ami Pierre-André. Quand la mer chante autour de moi, c'est l'orchestre de Pierre-André, mais c'est la chanteuse. J'oublie tout ça, va bien tu vois. Quand je suis là, j'ai toujours 20 ans. J'aime voir les maisons blanches sur les collines près. Quand on danse le dimanche au son d'une valse portugaise, la la la la la la la, danser c'est ton jour de chance. On oublie tout ça. son pays de lumière, un porto et quelques chansons dans le petit café du village nous emportent vers l'horizon pour finir ensemble un beau voyage. La la la la la la la la, danser c'est ton jour de chance, on oublie tous le moment de profiter. Le 21 décembre dernier, j'ai reçu en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel Thierry Monico, Charles Cassonnet et Jacques Thauvin. Et pour ceux qui ont internet, je rappelle www.radio-arc-en-ciel.fr. Vous pouvez vous y rendre et vous aurez les mêmes images que moi, filmées par Jacqueline Sanchez ce jour-là. Voici donc les trois mousquetaires, comme je les appelle. Et voilà, c'était donc quelques extraits de... Et ça se termine par un grand merci à mes amis Charles Cassonnet, Jacques et Michel. Merci pour lui, animateur de l'émission. On continue avec Christophe Coineau et ce sera dans ma Corrèze au mois de mai. On n'est pas déjà, hein. Quand tout renaît, il fait bon vivre et qu'il fait bon rêver dans les prés ensoleillés. Pour toi et moi, ce renouveau sera toujours un vrai cadeau. Tant que dans ma Corrèze, au mois de mai, s'envoleront nos regrets. Et on retrouve nos trois accordéonistes, Charles Cassonnet et Jacques Thauvin, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le 10 novembre 2018. Ça fait un peu plus d'un an. On écoute. Thank you. Eh bien voilà, c'était donc des extraits des émissions de nos trois mousquetaires, qui étaient quatre en fait avec Jacqueline, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On continue avec maintenant en musique, oui on a le temps, et ça s'intitule La Chicadence. Tranquille au milieu des montagnes, Pierre-André. Je m'enivre de liberté. Seul mon ombre m'accompagne entre myrtilles et genêts. L'alouette chante annonçant le printemps. Les grillons sautent dans les champs. Quelques papillons s'envolent au gré du vent. Je vais m'asseoir un instant. Près de la petite source, les abeilles parlent aux oiseaux. Un peu d'herbe, un peu de mousse, verdissent à travers les roseaux. La rivière de mes souvenirs, elle coule depuis bien des années. Rivière d'espoir pour l'avenir, entre mes amours, mes regrets. Au milieu de mes chansons, je m'enivre d'un grand soleil, naviguant au vent des émotions sur l'océan du sommeil. Alors j'ai 10 ans et je cours dans les champs, la jeunesse est éternelle. Il y a des troupeaux dans les prés comme avant, ce soir la vie est si belle. De la petite source, les abeilles parlent aux oiseaux. Un peu d'herbe, un peu de mousse, verdissent à travers les roseaux. La rivière de mes souvenirs, elle coule depuis bien des années. Rivière d'espoir pour l'avenir, entre mes amours, mes regrets. Bien des années, rivière d'espoir pour l'avenir, entre mes amours, mes regrets. Treize heures 59, c'est l'heure à quelques secondes près d'écouter les publicités de Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitement de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Come on!

dis petit moineau, toi qui viens quelquefois pour me rendre visite, perché sur l'un des barreaux de cette minuscule lucarne, m'a l'air si triste. Mais lorsque tu ne viens pas, j'y vois un coin de ciel qu'on m'accorde en faveur, et je t'attends chaque fois, à croire que maintenant tu sais lorsque c'est l'heure. Sombrite mate e mamma se ne muore, perdonami oh mamma, ti fanno tanto male. Je ne peux pas faire un geste pour aller l'embrasser une dernière fois. Que m'importe à moi le reste, car si elle se meurt, c'est à cause de moi. Elle qui ne s'endormait jamais sans avoir imploré la Madone et les saints. Elle qui avait tant donné pour qu'on dise plus tard, c'est un monsieur très bien. Folklore et nos vieilles bourrées, les petits bals du samedi, nos refrains, nos traditions. Chante-moi mon village et la cour de l'école, quand les feuilles de novembre s'envolent au vent d'automne. Chante-moi les nuages qui dans leur course folle s'en vont au vent d'hiver, quand les amours frissonnent. Petit message personnel, j'ai l'impression qu'on a été coupé, hein. C'est pas moi qui ai coupé. C'est peut-être le chien. Les verts coteaux en fleurs et les amours d'antan. Chante-moi les monts d'or, les forêts de sapin, les balades en été sur les flancs de nos volcans. Chante-moi l'aligot, oui, le jambon, la truffade, le petit vin d'Auvergne et la fourme d'Ambert. Chante-moi ce beau pays, dans son corps la crousade, les champignons qui poussent à l'ombre des fougères. En une heure charmante, autant qu'elle fut brève, me rappelle d'un passé que mon pays m'offrait. Et j'ai vu défiler, ainsi que dans un songe, les yeux à demi clos pour voir avec le cœur ce pays merveilleux qu'on nomme la Saint-Onge, gâté par la nature et combien séducteur. C'est le pays joyeux où la grive d'automne se grise de fruits d'or parmi les pampres roux, où le gai vendangeur sous la hotte chantonne à l'appel des coupeurs qui boivent le vin doux. C'est la Seine de Lente, au long cours qui serpente, elle coule lentement au pied d'un vieux donjon. Et c'est aussi là-bas, le doux fleuve Charente, cette écharpe d'argent du beau pays s'entend. C'est l'île d'Oléron, c'est l'île lumineuse, où le mimosa d'or fleurit malgré l'hiver, auprès des maisons blanches, c'est la grande charmeuse. Pour Loki l'éternel, voyageur de la mer, c'est le cadran chanteur des rives de l'antenne. M'a caressé la voir au pied d'un vieux château, où l'on mangeait grillé à la mode ancienne, l'anguille des graviers buffée par un champion. Auprès des maisons blanches, c'est la grande charmeuse. Pour l'automne éternel, voyageur de la mer. Thank you. se lève à l'est du grand fleuve. L'astre brûle au zénith sur les moissons d'été. Comme la terre fendue que l'eau du ciel abreuve, là-bas le vent d'autant fait rechanter les blés. Comme un nuage fond dans l'azur éternel, 100 000 fleurs sauvages s'ouvrent sur l'infini. Comme une étoile brille dans le froid de Noël, une histoire est si belle quand arrive la nuit. Aime la vie plus fort, fais le tour de la terre, artisan de l'amour, n'arrête pas le vent. Va chanter nos chansons, là-bas sur la frontière, la source de la paix coule à travers les champs. Ouvre tes yeux d'enfant, ouvre ton cœur plus grand, et laisse-le parler, laisse-le te brûler. Notre terre est si belle, alors qu'est-ce que t'attends? Non, il n'est pas trop tard, avec nous viens chanter. Comme un volet qui s'ouvre sur un nouvel espoir, une lueur peut naître au fil d'une chanson. Comme un bonheur perdu jaillit de ta mémoire, quand un drapeau blanc flotte au bout de l'horizon. Comme un hameau s'endort autour de son clocher, quand tu laisses partir ton enfant vers sa vie. Comme l'oiseau t'apporte un petit brin d'olivier, tu vois le monde est beau dès que tu lui souris. Aime la vie plus fort, fais le tour de la terre, artisan de l'amour, n'arrête pas le vent. Va chanter nos chansons, là-bas sur la frontière, la source de la paix coule à travers les champs. Ouvre actuellement l'antenne, un Portugais à Paris, par Pierre André. Laisse-le parler, laisse-le te brûler. Notre terre est si belle, alors qu'est-ce que t'attends? Non, il n'est pas trop tard, avec nous viens chanter. Comme l'amour grandit, quand la beauté s'en va, ton cœur sèche tes larmes, ta haine et tes rancœurs. Comme ta liberté ne dépend que de toi, donne un simple sourire, donne un peu de chaleur. Comme tu peux compter, quand il pleut dans tes nuits, sur un ami fidèle au gré de la tempête. Comme un regard plus doux change tout dans ta vie, par ces mots simples et beaux qu'inventent les poètes. Aime la vie plus fort, fais le tour de la terre, artisan de l'amour, n'arrête pas le vent. Va chanter nos chansons, là-bas sur la frontière, la source de la paix coule à travers les champs. Ouvre tes yeux d'enfant, ouvre ton cœur plus grand, et laisse-le parler, laisse-le se brûler. Notre terre est si belle, alors qu'est-ce que t'attends? Non, il n'est pas trop tard, avec nous viens chanter. Notre terre est si belle, alors qu'est-ce que t'attends? Non, il n'est pas trop tard, avec nous viens chanter. La FM en couleur. Et sur la FM en couleur, il est 14h passé de 25 minutes. On écoute notre ami Berlaudio, le Zinzin. À mon père Loyau, le jour, il était sur le bord du trottoir. Puis, ouais, il y a son voisin qui habite en face, il sortait avec sa voiture, reculons. Mon père Loyau, il le regardait. Allez pas aller loin, mon vieux. Bon, il fait tu toi. Hé, t'avais vu la roue arrière? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle est crevée. C'est pas vrai. Mais je m'en vais chercher ma femme à la gare. Ah, ben, il dit, regardez. C'est pas possible de voir ça, le gars descend sa voiture. Et en effet, il était crevé. On dit, c'est pas vrai. Il y a qu'un mois de ça arrive. Et mon père Loyau, il le regardait. Allez, bagnole, c'est pas de la connerie, mon vieux. Moi, la gare à pied, j'en ai pour 10 minutes. On lui a dit son machin. Ah, je t'en prie, hein. Et le gars, il sort, ce tri, tout ça, il commence à enlever un boulon, il pose le boulon, deuxième boulon, troisième boulon, quatrième, il enlève la roue, il remet l'autre trou, et il y a mon père Loyau, il dit, le regarde. Eh ben, bravo, qu'est-ce qu'il y a? Ben, les boulons. Hein? Ben, et là, ils sont partis, ils sont dans l'égout. Oh, là, c'est pas vrai. Oh, ma femme qui arrive à la gare, oh là là, mais qu'est-ce que je peux faire? Oh, pas t'affoler, va. C'est rien. Oh, c'est rien. Toi, abruti. Oh, ben, j'ai abruti. Mais c'est rien du tout si vous arrivez là, mon pauvre gars. Faut pas vous énerver. Hein? Eh, vous avez encore trois roues qui vous restent. Et ça, grand couillon. Voilà, la gare avec trois roues. J'ai pas dit ça. Mais, si vous mettez votre trou, vous enlevez un boulon des chaque roue qui vous reste là. Hein? Un boulon. Hein, c'est pas grave. Vous mettez votre avec les trois boulons bien espacés, vous les serrez comme il faut, vous allez au prochain garage, et puis lui, ben, vous foutre une série de boulons, puis c'est tout. Mais dis donc, Berlaudio, mais t'es pas si fou de ça. Oh, aussi, je suis fou, mais je suis pas con. Petit bouquet d'amour de ma part pour Anne-Marie et puis vice-versa. Anne-Marie pour l'animateur. Petit bouquet d'amour, et c'est Pierre-André. Non, c'est pas Pierre-André. C'est Christophe Poineau, c'est Troubadour. Non plus. Ah ben, c'est bon. C'est l'herbe des prés, voilà. Il y avait une erreur. Hein. L'herbe des prés dans la verte prairie revient plus belle quand on veut l'arroser. L'amour aussi reverdirait sans cesse si vous saviez chaque jour vous aimez. L'amour aussi reverdirait sans cesse si vous saviez chaque jour vous aimez. Je reprends donc, Pierre-André va nous interpréter pour Anne-Marie et pour moi, Petit bouquet d'amour. Ces forêts, ces vallons, ces ruisseaux, c'est là que sont nées mes racines, parmi les sapins et les bouleaux. Je suis remontée sur la colline, témoin de nos premières amours. Je revois ma terre limousine, la terre qui m'a donné le jour. Aujourd'hui, c'est la retraite dans ma petite maison. Tous les jours, il sera fête en valsant cette chanson. Je revois ma terre limousine avec les bergers et leurs chansons. Mon Pierrot chantait sur la colline qui gardait son troupeau de moutons. On s'aimait bien d'un amour. Ça devait durer toute la vie. Ce ne fut, hélas, qu'une chimère. Et mon cœur s'en souvient aujourd'hui. On s'aimait bien d'un amour sincère. Ça devait hélas, une chimère, et mon cœur s'en souvient aujourd'hui. Va te dire un truc, gamin. Des feignants comme toi, n'en faut plus. T'en fous des études. Incapable de pauvre, non? Oh, on est marre des feignants comme ça. Il y a déjà son frère qui est avocat à Châteauroux. Pour des métiers, ça. Tu vas laisser tomber tout ça, toutes tes licences, je ne veux plus les voir. Et tu vas faire un Matignon comme ton pote. Jeudi, tu viens avec moi à Saint-Christophe. Le jeudi, il s'amène à Saint-Christophe. Allez, gamin, choisis-moi tôt. Allez, y va. Ben, je ne sais pas, moi, pas. Allez, non, celui-là, la belle poitrine. Oh oui, oh, comme si on voyait un taureau à la poitrine. Oh, la brutie qu'il y a là-dedans. Allez, donc l'autre, là-bas, les cornes. Oh oui, les cornes, oh, jouillon. Ah, t'es-tu bête, mon pauvre. Ah, quoi que. Il entre là. Tourne-moi voir ton engin, là. Bon Dieu. Oh, cette gauche. Oh. Oh, petit, soupèse-moi voir un peu. Oh, cette gauche. Oh, ben, bon Dieu, ça, il y a une belle gauche. Ah oui, pas, mais non, la droite, elle est plus petite, elle a un faible. Hein. Ah oui, elle t'est cachée par la gauche, la voyez pas. Ah, t'avais raison, gamin. Oh, c'est-y dommage. Oh, jamais j'ai eu en 30 ans une gauche comme ça. Oh, la droite, elle est fêlée. Hein. Oh, la droite, elle est... Oh, bon Dieu, cette gauche. Ah, ça, bon Dieu, elle a dit une belle gauche. Oh, bon Dieu. Combien de temps veut ton taureau? Hein? 7000, ça, avec une droite pareille. Ah non, non, la gauche, oui, d'accord, mais la droite, non. Non, je t'en donne 4500 et... Ben, regarde, t'as qu'à regarder, la gauche, d'accord, je l'ai vu, la gauche, mais la droite, mon Dieu, non. Non, non, 5000, encore à la rigueur, je veux 20, mais bon, alors, top là. Il rentre à la maison, bon, ben, dit, t'as vu comment ça se fait? Oui, pas, j'ai compris. 15 jours après, il y a le gars qui était sur son tracteur, en train de se refaire sillon, il y a le gamin qui... Et paf, 20 litres. Qui tient, il y a le feu. Non. Il y a moi, elle est en train d'acheter le facteur. Ah non, mais c'est vrai, c'est quand même des gars, les Berlodio, hein. Ah, c'est des gars, oh, ben nous, on en a un. Un vrai Berlodio. Mais il a de la chance, hein. Il a de la chance parce qu'il travaille chez un comte. Ah oui, un authentique comte. Hein. Ah si, parce que je sais pas, non, vous rigolez, mais je sais pas si vous êtes au courant. Mais alors, des châtiaux dans le Berry, oh là là. Qui peut y avoir comme châtiaux par chez nous, hein? Ah non, mais c'est vrai, il y a des châtiaux, hein. Tiens, c'est ben simple l'été. Quand on fait ça en touriste, vous traversez tout le Berry, depuis Argenton-sur-Creuse et jusqu'à Nantes. Ah oui, c'est très grand le Berry. Ah non, mais c'est des châtiaux, hein. Toute la vallée du Cher et toute la vallée de la Loire, mais juste à Nantes, je vous dis, c'est des châtiaux. C'est ben simple, t'arrives à Nantes, tu fais « Agadon, une HLM ». Faut voir s'il y en a des châtiaux par chez nous. Hein. Et nous, on en a un, là, à côté de Grossou, qui appartient au comte Martin Gontran, depuis Ségur, de la vallée de la Tour-du-Panche. Très vieille noblesse, hein. Ah non, mais il est très gentil. Alors, dit, il a un très beau château. Alors, autour, il a des fermes avec des métayers. Et il a un métayer, entre autres, Berlodio. Ah ben, lui, il s'occupe d'animaux, lui. Ah, il s'occupe que de ça, d'animaux. Et l'autre dimanche, monsieur le comte, Martin Gontran, depuis Ségur, de la vallée d'Adoujipanche, avait deux événements très importants qui se passaient dans sa vie. Le premier, une superbe réception au château. Alors, vous voyez, la très belle réception, comme ce soir. Merci. Il y avait la comtesse de Brichmol, qui était venue avec son mari, un comte suisse. Ah non, non, non, non, j'ai pas dit ça. Un comte, virgule, suisse. La chevette de Bourges, qui était venue avec sa femme. Ouais, ben, c'est pas ça non plus, non. Non, avec sa robe. Oh, ben, je savais qu'il y avait un machin comme ça. Le préfet... Alors vraiment la belle, belle réception. Et le deuxième événement qui se passait au même moment, à la même heure, dans une ferme un peu plus bas, il y avait un taureau, comment je pourrais vous dire ça? Voilà, il y avait un taureau qui devait causer avec une vache. Voyez, mesdames, je peux pas mieux vous l'envelopper. Ouais, je peux pas dire qu'il devait tagada, tagada, peut pas... Enfin, il devait causer par derrière. Mais là, déjà, on comprend mieux. Hein. Le comte fait venir Berlodio, lui dit, écoutez, mon ami, si l'événement se produit pendant la réception, n'hésitez pas. Vous venez me prévenir, je tiens au courant de tout ce qui se passe au château. Mais alors, attention, distraitement. Hein. J'ai des personnages très importants, distraitement. Ah, bien, monsieur le comte, alors ça fait que si le taureau, il s'occupe de... Je viens vous le dire. Ah, bon. Même si c'est pendant votre sauterie, ça fait rien. Hein? Elle va pas déranger. Ah ben, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Mon Berlodio s'en va. Le dimanche arrive. La réception commence. La comtesse de Brichmol s'installe au piano. Commence Debussy. On distribue des petits fours, le champagne, le Sancerre se mettent à couler à flot. Une ambiance sensationnelle. Il n'y a pas 5 minutes que l'ambiance altait commencé. T'as mon Berlodio qui rentre là-dedans. Allô la compagnie. Eh, monsieur le comte. Eh, monsieur le comte. Aïe, il y a l'événement qui vient d'arriver là. Il y a le taureau, il s'est tapé la noire. Berlodio, espèce d'imbécile, espèce d'abruti, je vous avais dit de me prévenir distraitement, hein? Ah ben, monsieur le comte, moi, vous m'avez dit de vous dire que quand ça arriverait, moi, ça arrivait, je suis venu vous le dire, puis c'est tout. Mais espèce d'imbécile, il y a d'autres termes. Je ne sais pas, moi, vous seriez venu me trouver et vous m'auriez dit, la noire vient d'être surprise. Hein? La noire, elle a été surprise. Pas tellement. Et je crois même qu'elle s'y attendait un peu, moi. Mais espèce d'imbécile, c'est un terme. Hein? Bon, écoutez, mon vieux. Si cela se reproduit à nouveau, n'hésitez pas. Venez me prévenir, mais attention, distraitement. Hein? Bon, si jamais ça se reproduit... Je reviens vous le dire.

Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Et on termine la mission en compagnie de Jean Séguerel. On a écouté, avant Jean Séguerel, Christophe Coineau et ses troubadours, avec des refrains chantés par Roger Poissac. Le cucu va bien. Ça nous a créé le premier Santa le cucu. Il pleut content. Viens te va dire à autre. Il y a Malouzoni Marida que nous voudrions pas ouvrir le premier. Un pareil que vous voulez dire que poudrions un cornard. Le cucu a fait. Le cucu il fait pareil. Perché? Quand il y a de plus de cucu, eh bien, il y aura toujours nos cornards. Joyeux dans ma belle campagne. Quand je quitte Paris et cette triste ville, où l'on ne voit ni champs, ni forêts, ni montagnes, où l'on traîne des jours pleins de peine et d'ennui. Quand j'ai franchi le seuil, quand j'ai passé l'entrée de ma vieille maison dans les bois retirés, quand un instant après je serre dans mes bras ma douce bien-aimée qui ne m'attendait pas. Le secret du vrai bonheur, c'est mon Auvergne et mon cœur, un toit rien que pour nous deux. N'est-ce pas merveilleux? Chaque jour, chaque saison nous apporte sa chanson. C'est comme un bouquet de fleurs, mon Auvergne et mon cœur. Chaque jour, chaque saison nous apporte sa chanson. C'est comme un bouquet de fleurs, mon Auvergne et mon cœur. Le ciel bleu de l'Auvergne, j'ai murmuré en te prenant la main. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve demain à partir de 14h pour Cocktail Coloré, chansons, musique. Bon après-midi à tous et à toutes, et puis restez bien au chaud parce que le vent du nord n'est pas chaud. Quelques instants, RDP International. S'en sont allés en portant le passé. Boa tarde, são 2 horas no continente e na Madeira, 1 nos Açores.